cherche à rien. C'est parfait. Ne touche à rien. Rien ne manque. Aurait-on rêvé d'aurore plus boréale, de cordonniers mieux chaussés, de vision plus totale, de chemin plus direct pour aller jusqu'à Rome, de soirée plus sélecte, du paradis en somme. Oh, ne touche à rien, rien ne manque. Ne touche à rien, c'est parfait. Aurait-on voulu que je m'habille, mais le nu me va mieux que le strass. Plus vite que celui de la peau qui scintille, le souvenir du velours et de la soie s'efface. J'ai repas le mirador. Et tu peux monter et voir l'outre et les noirs de plus haut encore. Aurait-on rêvé d'une nappe plus blanche, de verres mieux remplis, de couverts plus larges, de chemin plus direct pour aller où, en somme, 10 restos du cœur, place Vendôme. Tout carpiste, tout ne pense.